Bismillahir Rahmanir Rahim. Les éditions d'Ammaj ont le plaisir de vous présenter Durusul Madina, Al-Juzuthani, les cours de Médine, tome 2, une suite de cours donnée par le frère Khalil Al-Martiniki, Hafidhullahu Ta'ala, au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith Salafiyyat Bidammaj, au Yémen. Cours numéro 7. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم التمارين اليوم الأول أجيب الأسئلة الآتية البوكسور سيوانت أي سورة حفظ سعيد كل سورة مغزي سعيد سعيد حفظ سورة الرحمن نعم ثانيا كم آية من سورة النبأ حفظت مريم Donc combien de versets dans la sourate An-Naba Maryam a-t-elle mémorisé ? Hafidat 16 ayatan. Non. Elle a mémorisé 16 versets. Masmoul Mujallati allati qara'ataha Maryam fi al-maktaba. Bi ayy lughatin hiya ? Donc quel est le nom du magazine que Maryam a lu dans la bibliothèque et en quelle langue est-il ? Ismuha al-Islam. هي باللغة الإنجليزية. نعم. شابل الإسلام. إلى عمر الله. من ليلى؟ هي الخادمة. ليلى سي لسيرفات. ثانيا دو عدي العلامات أمام الجمل الصحيحة والعلامة الصليب أمام جمل غير صحيحة. ما فرحة المدرس بسعيد. دونك لونسيون نا با ايتي كونتون بسعيد. خطأ. نعم. مريم جوعاء. مريم أفا. صحيح. خرجت مريم من مدرستي بعد صلاة الظهر. صحيح. لكل بعد صلاة الظهر. صحيح. سورة الرحمن أطول من سورة الحديد. خطأ. نعم. سورة الرحمن تبيلون كثر الحديد. آمنة وفاطمة والسعاد زميلات مريم. صحيح. نعم. ثالثا هذه أسئلتنا أجيب الأسئلة الآتية وهذه أسئلة كما ذكرنا ليست مبنية على الدرس donc réponds question suivante à savoir qu'elles n'ont pas de lien avec le texte أذهبت إلى مدرستي اليوم as-tu été à l'école aujourd'hui لا ما ذهبت إلى مدرستي طيب متى رجعت من مدرستي quand es-tu revenu de l'école tu aurais dû dire نعم رجعت بعد صلاة العصر نعم أي سورة قرأت بعد صلاة الفجر؟ كل سورة as-tu lu après صلاة الفجر؟ قرأت سورة النون. أي سورة حفظت هذا الأسبوع؟ كل سورة as-tu mémorisé cette semaine؟ حفظت سورة الملك. J'ai mémorisé سورة الملك. بالماء البارد غسلت وجهك أم بالماء الحار؟ Est-ce avec de l'eau chaude que tu as lavé ton visage ou avec de l'eau froide? غسلته بالماء البارد. نعم، je l'ai lavé avec l'eau froide. سادسا من غسل قميصك ومنديلك؟ Qui a lavé ton قميص et ton mouchoir؟ أنا غسلتهم. لا. كيف تأكلهم لقميص ومنديل؟ أنا غسلتها. نعم، على عقل. ثم قلنا في شيء آخر فالكوبي الشيخ ولا يمر فيه طيب والثاني عشر إكرام يلي ثم اكتبه مع كتابة الأرقام التي في بالحروف donc les ce qui suit écrit يعني tu dois écrire avec les chiffres en lettres كم سنك كلا جاتو سني تفضل أجيب عفوا إكرام الحركات فمغير الحركات فمغير الحركات نعم هاتي أسئلة مناسبة للأجوبة الآتية. Donc donne aux questions suivantes donne plutôt une question en réponse suivante. Donc on a des questions, il faut mettre la réponse. Faut mettre on a la réponse, il faut mettre la question. Awalen, naam, sharibtu. Oui, j'ai bu. Fama wa souel. Sharibta. Naam. Thanyan, naam, katabtu. Oui, j'ai écrit. Ma wa souel. Akatabta. Naam. Thalisan, bala, ra'aytuhu. En effet, je l'ai vu. Ma wa souel. Ama ra'ayta al-qamar. Naam. Rabi'an, naam, ma qara'tu hadha al-kitab fi al-baladi. En effet, je n'ai pas lu ce livre dans mon pays. Aqara'ta hadha al-kitab? Oula. La boude min souel, ba ama qara'ta hadha al-kitab? Naam. Khamisan, bala, sami'tu al-adhan. Si, j'ai entendu l'adhan. Ama sami'tu al-adhan? Naam. Sadisan, la, ma sami'tu al-adhan. Non, je n'ai pas entendu l'adhan. Asami'tu al-adhan? Sabi'an, la, ma darabtu hadha al-walad. Non, je n'ai pas frappé cet enfant. Adarabta hadha al-walad? Naam. Tayyib. Anakoum. فنعيد الثاني عشر فنعيد الأول كم سنك كلا جاتي سني تسعة عشرة سنة نعم قرأنا وأنت اقرأ الجمل كلها قرأنا أربعة عشرة صفحة من هذا الكتاب نعم nous avons lu 14 pages de ce livre ثالثا في هذه الحفيلة حافلة حافلة ثمانية عشرة ثمانية عشرة راكبا وخلفهم خمسة عشرة راكبا راكبة نعم il est dans ce bus 18 passagers c'est-à-dire hommes et deux derrière eux 15 passagers femmes رابعا هذا الفندق هدف هدف هذا فندق صغير فيه 12 غرفة فقط غرفة ايش غرفتين غرفتين 10 غرفة غرفتين ما حكم المعدود مثل الجمل الأخرى لماذا دي تبي كنت لم مجرور غرفتان أيوة منصوب عثمان أيوة خامسا عثمان له 11 أبناء ابنان ابنان واثنتا عشرة بنتا نعم أنا حفظت عفوا عفوا لا تطول الحظ عثمان 11 garçons et 12 filles طيب سادسا أنا حفظت 13 سورة نعم جي ميموريزي 13 سورة سابعا في هذا المستشفى 19 طبيبا و 17 طبيبة نعم il est dans cet hôpital 19 médecins hommes et 17 médecins femmes ثامنا قرأنا اليوم 18 كلمة جديدة. Nous avons lu aujourd'hui 18 mots nouveaux. تاسعا. هذا القلم بأربعة عشرة روبية. طيب. Donc ce stylo est de 14 roupies. عاشرا. في هذه العمارة في هذه العمارة دي. 16 chaqatan. Chaqatan. Non, il y a dans cet immeuble 16 appartements. Hadi Achar. Fi hadha al-fasli 20 taliban. Non, il y a dans cette classe 20 étudiants. Tayeb, ça reste 10 كذلك, صح? Non. Oktub al-a'dad min 11 ila 20. وجعل كل من الكلمات الآتية تمييزا لها. Donc écris les nombres de 11 à 20 en mettant les mots qui suivent comme genre de tamiz. Anta fokot takra tortini tu mets le numéro le nombre 13 et après le mot.

Ensuite, les bénètes disent Nam, Wajennaha, Jarasna, Inda, Soulous, Sa'atin. Soulous, c'est un tiers. Taïb, c'est un tiers à la base. Donc, un tiers d'heure, c'est quoi? C'est 20 minutes. Donc, Soulous, ça veut dire 20 minutes dans une heure. Et dans le chou, c'est un tiers. Mais on ne dit pas un tiers d'heure, donc on va dire 20 minutes. Ensuite, Al-Um Takoul, Ara'aytunna le Miknasa, Ya Benati. Miknasa, c'est balai. Miknasa, c'est un balai. Kanasa et Kanisu, c'est balayé. Miknasa, c'est le balai. Tahastu anha. Tahasa an, ça veut dire chercher quelque chose. Tahasa, c'est le fier lui-même. Et après, tu viens avec an. Tu vois, harfu jar. Vous voyez, an. Suma sura takul anna wadortuha. Wadora, c'est posé. Wadora, c'est posé. Wadora yadou. C'est être aussi accouché pour une femme. Tu dis, mar'a wadorat, elle a accouché aussi. Sullem, c'est escalier. Et sullem, c'est escalier. Et toujours dans la même phrase, as-sabah, c'est le matin. Sullem, ça veut pas dire. Échelle aussi, non? On peut l'employer pour échelle aussi. Escabeau, échelle. Et c'est aussi escalier, non. Sabah, c'est le matin. Merwan Yakoul, là, il n'y a rien de nouveau. Et celle-là, déjà, on a pris une kitab awel, c'est réfrigérateur. Abshir, ça c'est un verbe qui veut dire réjouis-toi. Ou Abshirou, Biljinmati, l'a dit Kuntum Touradoun. Et réjouissez-vous du paradis qui vous étiez promise, ou promis. Donc Abshir, quand quelqu'un te pose une question et toi, tu peux lui apporter ce qu'il veut, tu dis Abshir. Alors réjouis-toi, Inch'Allah, je vais le faire. Asir, c'est du jus. Burtokol, c'est orange. Vous voyez, Asir, c'est du jus. Burtokol, c'est orange. Fikalimetoukhra? Non. Tous les autres, on les connaît. Vous voyez. Awalan yakul ajiban asil al-atiya. Donc, c'est le 1 et le 2 et le 3. Attention, le 3. Et ouais, donc on disait les 3, Inch'Allah, mais à Tarak Bidders. On fait attention, les questions 3, elles n'ont pas de lien avec le texte. Tarak Bidders, c'est Tarak Biddamir. Ça va être Akhurasa des Damayer, Mutasila bi al-Fial. C'est le. Ça va se lier au quoi? Au Damir qui est attaché au verbe qui sont des Fa'il. Donc il n'y a rien de nouveau là, Inch'Allah, à part quelques peut-être de petites Masa'il. Sinon, le fond du Ders sont les mêmes, Inch'Allah, on l'a déjà pris. Enfin, c'est Namchi. Bah, tu vois là, Namchi, c'est pas en marche à pied, c'est, on avance. Rabi'an, yakul, anis el fa'il fi kulli min jumal atiya. Donc il dit, rend féminin, mais au féminin, les sujets des verbes dans chaque phrase suivante. Donc là, c'est que le mukhatab al-jam. Vous voyez, mukhatab al-jam, le pluriel de l'interlocuteur. Par exemple, il dit, Eshalitum el karwata ya ikhwan. Avez-vous bu le café au ikhwan? Donc ce féminin, c'est quoi? Esharabtunna el karwata ya akhawat. Donc, avez-vous bu le café ou mes sœurs, ou les sœurs. Donc là, chaque phrase, Inch'Allah, tu mets Domir, féminin. Tayyib. Jumal Oula, Akara'tum, Hadil Majallata, Yarijalu. Avez-vous lu ce magazine, ou les hommes? Akara'tunna, Hadil Majallata, Yannisa. Naam. Afahimtum Adersa, Jadida, Ya Abana'i. Avez-vous compris le nouveau cours, ou mes fils? Afahimtunna. الدرس الجديدة الجديدة الجديدة يا بنتي يا بناتي نعم رابعا متى خرجتم من المدرسة يا أولاد donc quand est-ce que vous êtes sortis de l'école oh les enfants متى خرجتم من المدرسة يا بنات التنبيه donc ولد souvent on porte pour le garçon en fait ولد c'est l'enfant ça peut être la fille comme un garçon. Vous voyez, ça peut être la fille comme le garçon. On dit la ka aulad, il y a des enfants en fait. Mais c'est vrai que souvent aujourd'hui, il est employé pour dire le garçon en lui-même. Khamisan, Asamiatum el Adhan ya ikhwan. Avez-vous entendu l'Adhan ou les frères? Asamiatum el Adhan ya akhawat. Araitum el Mudarrisa al Jadida ya ikhwan. Avez-vous le nouveau? Avez-vous vu le nouvel enseignant ou les frères? خامسا امام كل جمله في ما يلي صيغتان للفعل اختر الصيغه الصحيحه واكمل بها الجمله. Donc devant chaque phrase nous avons deux versions différentes de phrase. Vous voyez, pour plutôt du verbe. Donc il dit choisis la bonne version et complète la phrase. La salène, regarde entre parenthèses, on a deux verbes différents. Qara'tum wa qara'tunna ou le muzakkar ou le mu'annath. Toi tu mets dans le trou, dans la phrase, la version qui correspond. Qara'tum al-Qur'ana al-Qur'anu al-Yawma. Là. Al-Qur'ana al-Yawma. Al-Yawma. Ya abna'i. Naam. Avez-vous lu ou récité du Coran aujourd'hui, ô mes fils? Alors. Faniyam. Mata raji'tum min Mekkata ya ikhwani. Naam. Quand est-ce que vous êtes revenu de Mekka, ô mes frères? Falifan. On regarde bien le domir, c'est quoi? أغسلتن وجهكن وجوهكن وجوهكن بالصابون. نعم. Avez-vous lavé vos visages, c'est-à-dire aux femmes, parce que كنا avec du savon. صابون, c'est savon. رابعا. من أي إذاعة سمعتن الأخبار يا بناتي. نعم. De quelle radio avez-vous entendu les informations aux mes filles? خامسا. من أي باب دخلتم المسجد يا دخلتم المسجد المسجد لا المسجد. نعم. يا إخواني. نعم. Par quelle porte êtes-vous entré dans le masjid, ô mes frères? سادسا. لما فتحتن النوافذ يا بناتي. نعم. Pourquoi avez-vous ouvert les fenêtres, oh mes filles? Voilà, c'est. Attendez, maintenant on va prendre un nouveau verbe. Il s'appelle kana. Et kana, en fait, c'est le verbe être. Vous voyez, la kana, c'est au passé. Kana, c'est au verbe être. Et comment dire? Yani, kana c'est un verbe, il n'a pas de fa'il à la base, il a ism, comme inna, comme laysa, comme ka'anna. Par exemple, tu dis kana al-mudarrisu qa'iman, donc kana c'est un fi'il madi, al-mudarrisu, on va pas l'appeler fa'il, on va l'appeler ism kana. Vous voyez, ism kana, et qa'iman ça va être quoi? Khabar kana. Bien que la forme, c'est comme si on avait un fa'il, un maful, lakin, dans le nahu, il a une autre nomination. C'est ism kana, et il est marfou, comme le fa'il, il ressemble au fa'il, et son khabar, c'est khabar kana, il est mansoub, comme le maful bi. Donc, comme on a dit, ça veut dire, en fait, c'est souvent, on l'utilise pour le verbe être. On peut l'employer pour d'autres choses, mais l'origine, c'est que c'est le verbe être. يقول سادسا تأمل الأمثلة ثم أدخل كان على الجمل الآتية المدرس في الفصل. Donc comme tu vois كان ça fait aussi exactement comme إنا وليسا et rendant les jumelles ismiyah, celle qui est un mutada et un khabar à la base. Et le mutada devient quoi? Il devient ism كان et le khabar devient khabar كان, sauf que le khabar كان il devient mansoub. Comme tu vois là, يقول المدرس في الفصل, l'enseignant est dans la classe. Donc si on met kana, ça va faire comment? Kana al-mudarrisu fil fasli qabl 5 daqa'iq. Donc l'enseignant était dans la classe il y a 5 minutes. Tayeb. Sadisan. At-tullabu fil maktabati. Les élèves sont dans la bibliothèque. Taqul kana الطلاب في المكتبة قبل نصف ساعة. Donc les étudiants étaient dans la bibliothèque il y a une demi-heure. ثالثا أمي في المطبخ. Ma mère est dans la cuisine. Et bien sûr, dans les trois phrases qu'on vient de prendre là, le premier c'est Moutada, et ce qui vient après c'est Khabar. On n'a pas besoin de répéter, tu vois, comme c'est déjà assimilé, alhamdoulilah. Donc après on dit, avec Kana, Kanat, t'as Ummi fil madbari kob qalil. Donc ma mère était dans la cuisine il y a peu de temps. T'as Et là, pourquoi on a mis Tata Anis? Parce que le ism Kana est Mouannas. Et en fait, il prend les mêmes règles que le verbe. Tu vas dire Kana, tu vas dire Kuntu, Kunta, Kunti, Kanu, ainsi de suite. Vous voyez, ça va venir après ça. Vous voyez, là, donc maintenant, il veut que tu rentres Kana dans les phrases qui suivent. El Moudiru fi Rulfati. Kana El Moudiru fi Rulfatihi, Kabla Sa'ati. Nam. Donc le premier, c'est le directeur est dans sa chambre. Donc après, on va dire, le directeur était dans sa chambre il y a une heure. Thanian El Waziru fi London. Le ministre est à Londres. كان الوزير في لندن في لندن في لندن في لندن قبل أسبوع. نعم. Donc le ministre était à Londres il y a une semaine. أخي في مكة. Mon frère est à مكة. كان أخي في مكة قبل أربعة أيام. أربعة. أربعة أيام. نعم. Mon frère était à مكة il y a quatre jours. رابعاً الأطباء في المستشفى. Les médecins sont dans l'hôpital. Là. Tu restes ou il reste Moufrad. Comme tous les autres. Ah. Ah, non. N'oublie pas, on ne peut pas mettre waouh wow, après non. Le. T'as vu, pour l'instant, on ne peut pas. Non. Kana al-Attiba'u fi al-Mustashfa qabla thuluthi. Thuluthi. Thuluthi sa'atin. Non, donc les médecins étaient dans l'hôpital il y a 20 minutes. At-Talibatu fi al-Maktabati. Les étudiantes sont dans la bibliothèque. كانت الطالبات في المكتبة قبل قليل. نعم. Donc les étudiantes étaient dans la bibliothèque il y a peu de temps. سابعا تأمل الأمثلة ثم اقرأ الجمل الآتية مع ضبط الميم والحروف الساكنة الأخرى. Donc là maintenant ça quoi ça concerne Al-Imla, l'orthographe, comment s'écrivent les mots qui, de temps en temps, peuvent changer de harakat par rapport à leur situation. Par exemple, là, on va avoir la rencontre de deux lettres, Sa'akin, Iltika Sa'akinayn. Comme on avait pris, par exemple, avec le Ta'anith et Alif Al-Lam. Tu vas dire, Kharajat Al-Bintu Bidel Fasli. À la base, c'est Kharajat Al-Bintu. Et quand on fait la liaison, on dit Kharajat Al-Bintu. Et là, la kasra qu'on a mis, pour pas que le T, il s'en compte avec quoi? Le Hamza qui vient après. Ou le Lem qui est après, parce que ça fait quoi une rencontre de deux lettres? Sakina. Ben là, c'est pareil. Maintenant, c'est une autre rencontre, c'est entre le Mim, voyez, un Mim, et un Alif Lem qui vient derrière. Comment tu vas dire? Il dit par exemple, Akra'tum Adal Kitaba. Avez-vous lu ce livre? Là, il n'y a rien. Là, maintenant, on va mettre avec Alif Lem. Si tu t'arrêtes, tu vas dire Akra'tum al-Qur'ana. Avez-vous lu le Qur'an? Et si jamais tu lis, tu enchaînes, tu dis Akra'tum al-Qur'ana. Tu mets une domme sur le mime. Vous voyez? Pour pas qu'il y ait tikasakinei. Quand tu lis, vous voyez? Quand tu fais la liaison entre les deux mots. Mais si tu t'arrêtes, tu dis rien. Thanian, Ara'aytum Hamidan. Avez-vous vu Hamid? Donc là, il n'y a rien, parce qu'il n'y a pas d'alif olam devant. Ensuite, tu dis Ara'aytum. Al-Mudarrisa, avez-vous vu l'enseignant? Donc dans la liaison, tu vas dire Ara'aytumul Mudarrisa. Vous voyez, en mettant une Dhamma. Thalithan, Alakum Adal Kitab. Est-ce que ce livre est à vous? Ou Adal Bayt, Afouen. Est-ce que cette maison est à vous? Alakum Al Bayt. Amta? Non. Alakum Al Bayt. Donc, la maison est à vous. Donc, en liaison, en faisant la liaison, on va dire Alakumul Baytu. Alakumul Baytu. Rabian, Kharajat Amina. Amina est sortie. Donc là, on vient à la première lettre qu'on avait prise dans le kitab Awel. T'as cool. Kharajat El Bint. La fille est sortie. Kharajat El Bintu. T'as vu avec la kasra. Maintenant, à quel moment également on peut mettre le kasra avec le noun. Comme tu vas le voir maintenant. Yakul, man, hadal walad. Qui est cet enfant? Donc là, il n'y a rien. Man, al walad, sans liaison. Et si jamais tu fais la liaison, tu vas dire man il walad. Tu vas mettre une kasra. Et tu vas mettre une kasra. Et ça, c'est les choses, inch'Allah, qui vont te revenir dans les doulous de Imla. Donc après, tu as fait un récapitulatif en dessous. Donc maintenant, tu vas lire toutes les phrases qui sont en dessous en lisant bien avec les harakat. Et tu fais la liaison. Inch'Allah. Tu fais la liaison entre elles. Awalen. Akultum al-mawz. La. Akaltum. Akaltum al-mawz. Naam. Vous avez mangé la banane. Thanien. Lestum fil fasli. Naam, vous êtes assis dans la classe. Thalifan. Dakhaltum al-masjid. La. C'est pas dit. Dakhaltum al-masjidun. La. Al-masjida. Naam, là il est considéré comme un folbi. Êtes-vous rentré dans le masjid. Rabi'an. Fahamtum al-darsa. Naam, vous avez compris le cours. Khamisan. Fahamtum darsul. فهمتم درس الفقه درس الفقه درس الفقه ما فول بي درس vous avez compris le cours de fiqh. سادسا سمعتم الاذان نعم vous avez entendu l'adhan. سابعا ماذا اكلتم qu'avez-vous mangé. ثامنا اكل c'est manger on l'a appris déjà. ألكم هذه السيارة هذه سيارة هذه سيارة تو تو parce que cette voiture est à vous là les quoi les badal de hadi il est mutadam mu'akhar et la koum il est khabar muqaddam tasian alakumul kitab alakumul kitab ayo on a mutada khabar est-ce que ce livre ou le livre est-il à vous. عاشرا من هذا الرجل هذا الرجل نعم كي ستم هادي عشر مكتوب من الفتاة نعم كي لو جون غارسون ثاني عشر انتبه كتبت الطالبة Talibatu al-darsa? Non. L'étudiante a écrit le cours. Salis Hachar? Aïna al-mudiratu? Kharajat-il an? Non. Où est la directrice? Elle vient de sortir. Taïeb. Thaminan. Là, c'est pareil, on l'avait déjà pris. C'était le damir qui est muttasil. طيب اوفير سما سي با متصل سي با فاعل سما فول بي طيب سما فول بي تامل ما يلي مي ديت سو كي سوي مثلا دي ضرب الفير ضرب زائد استدير بلس هو تي فادير ضربه اي لو هو لي بيت كوا اون افي دي ما فول بي ضرب زائد او ضربت عفوا ضربت اي هي ضربت زيده كيف تقول ضربته طيب الا فرابي ضربت زيد هو ضربته ضربتي زيد هو ضربتيه tu vas dire là attention je sais pas si c'est interdit de dire ضربتي هو طيب mais en tout cas ce qui est connu chez les gens c'est ضربتي ضربت زائد هو ضربته je l'ai frappé. طيب et maintenant avec ضربتم زائد هو tu vas dire ضربت موه on rajoute un واو maintenant ce واو s'appelle واو الإشباع واو الإشباع il vient pourquoi pour faire la liaison entre le ميم et le ها parce que tu peux dire ضربتمه طيب ça se dit pas. Donc ce waouh est devenu pour combler le manche Et donc ça s'appelle Wawa Jiba. À la base, c'est quoi quelqu'un qui est Shaban, quelqu'un qui est rassasié. Tu vois, Jiba, c'est même la même chose. Shin Ba'in. Tu dis. Darab tu mouhu. Et c'est Wawa. Ça m'a. Wawa. Elle. Ijba. À la base, là, il y a un creux, il est venu pour le combler. Et dès que tu vois un fir à Mottasil avec le damir, ça donne Toum, et qu'après il y a le hou qui vient, tu mets le waou. Ra'it mouhu, katabt mouhu, et ainsi de suite. Et là, il va te sortir d'autres exemples. Il dit مثلاً Aina at-talibu al-jadid. Où est le nouvel étudiant? Ara'aytumuhu? L'avez-vous vu? Attention, ce waw, c'est pas waw jamaa. Tayeb, faut pas oublier, c'est un harf. Là, il est juste venu pourquoi? Pour faire le lien entre le mim et le ha. C'est tout. Mais là, dans la question quand même, il s'adresse à plusieurs personnes. Aywatum antum. Le dami là, le fa'il c'est qui? Ara'aytum antum. Tayeb. De toute façon, il vient qu'après le bim. Il n'y a pas qu'après le Jamara, tu ne vas pas le trouver. Aina el Hayatu, où est le serpent? Ra'aytu Mouha. Taïb? Aïwa Fan. Kateltu Mouha, l'avez-vous tué? Salisan. Hada Dersun Sehlun. Afahamtu Mouhu. C'est un cours facile. L'avez-vous compris? Rabihan. Aina al-mudarrisuna, où sont les enseignants? Ara'aytumuhum, les avez-vous vus? Vous voyez? Donc le waw, comme tu as vu, il vient qu'après le mim. Parce que le mim, à la base, c'est sakina. Vous voyez? Ikra al-jumal atiya ma'ad-damayr al-maskurati amamaha. Donc, ra'aytum zaid hum, kif takul? Ra'aytumuhum. Naam. Fahimtum zaid ha, kif takul? Fahimtumuha. نعم غسلتي زيد هو كيف تقول غسلتيه نعم غسلتيه وجدت زيد هو كيف تقول وجدته نعم je l'ai trouvé وجدت ما يصير يعني trouvé قتلتم زيد ها كيف تقول قتلتموها نعم سادسا سمعتم زيد هو سمعتموه نعم سمعتموه طيب تاسعا أدخل ألف لم التعليف على الكلمات التي تحتها خط عند اللزوم donc là il faut que tu mettes ألف لم dans les mots qui ont un trait en dessous mais j'en vois pas ils disent التي تحتها خط il n'y a pas de mot qui ont un trait en dessous peut-être que tu vois je sais pas ce qu'il veut dire par là. Donc, en tout cas, ce que tu vas faire, chaque phrase, tu vas la réécrire en mettant les fois en fait. Mathalan, ikrol misalayn atiyayn. Lis les deux exemples suivants. Indi, kitabu, ou kitabun, zu, rilafin, ahmara. Donc, j'ai un livre, un livre de couverture rouge. Bah, lui, il faut que tu fasses quoi? Eina, el kitabu, zu, el rilafil ahmari. Maintenant, regarde, Kitab, il est devenu Ma'alifa. Donc, tout ce qui vient derrière va être Ma'alifa pareil. Zou, El Rilafi El Ahmari. T'as pourquoi on n'a pas dit l'Ahmara? Ahmar, c'est Mamnoum Nasarf. À la voisine Afraïl. Le Zou, il est Mafaoul. Il est. Non. C'est pour une deuxième raison. C'est parce qu'il y a l'Ifoulem. On a dit que les deux cas où le ism amnoum al-sarf il prend le kasra, c'est s'il est moudof, pas moudof il est, moudof, ou si jamais il a un lifollem. Là il prendra le kasra s'il est majour. Taïeb, ça c'est les deux exceptions. Donc toi maintenant tu peux faire ces phrases à la maison, Inch'Allah. Et en fait tu réécris

في احكام الورائث. Et dans le Coran, il y a un frère qui m'a fait le tambik, qui m'a dit qu'en vrai, dans le... que ces mots-là, point de vue adillah, ce n'est venu que jusqu'à Soudous. Non, Thumun Bel. Mais Tous'un ou Arushlun, il n'y a pas eu de dalil sur eux. Mais bon, Al-Qiyas, comme ils ressemblent aux autres, les gens les ont classés avec eux. Donc, comment tu veux dire un tiers ? De dire Soudous. Comment tu veux dire un cinquième, Khums. Comment tu veux dire un sixième, Sodos. Ainsi de suite. Naam. Fani Achar. Kawin Jumalen Mustarmilen El Kedemat Il Atiya. Donc il veut que tu fasses des phrases en utilisant les mots suivants. Voilà, Kadalik Sakun Filbeit. Enek Dakhala, Marlouf, c'est rentrer. Bahatha'en. On avait dit c'était quoi ? Chercher. El Usbu'u El Mardi, c'est la semaine dernière. Al-Bariha, c'est la nuit dernière, seulement à partir de Zor. Et après Zor, on dit ça. Ziyaratun, c'est visite. Zou, on a dit, c'est un moudof qui va venir pour dire appartenir, avoir quelque chose. Nis, c'est la moitié. T'as même ? Donc chacun, tu mets, si t'arrives à faire une seule phrase, tu mets tout dedans, mashallah. Sinon, fais comme tu peux. Al-Kalimat ou Al-Jadida. Miknasa. جم مكانس سنبالي نظارة جم نظارات سي للونات للونات صورة جم صور سي نيماج صابون سي لصابون عصير سي لجو كرة القدم سي لفوتبول مشا سي un verbe ماضي qui veut dire marcher. Avancer. Wajada, pareil. Wajada, c'est un film mardi qui veut dire trouver. Kuratul Qadam, ça peut dire ballon de foot aussi. Ouais, ça veut dire quoi ? Dis-moi. Football, le ballon de foot aussi, non ? Ouais, c'est en fait une balle qui se joue au pied, quoi. Mm. Souvent, quand on dit Kuratul Qadam, c'est pour dire le football en général, tu vois. La balle du pied, quoi. Non. Et Kura, tout seul, c'est le ballon. Mm. Sulem, Jem salalim, c'est escalier ou échelle, ainsi de suite. Ajalatun, jem c'est ajal, c'est roue. C'est-à-dire une roue. Iza'atun, jem, iza'at, c'est radio. Mais plutôt les ondes, tu vois. Pas l'objet. L'objet c'est misère, comme on l'a dit. Al-Bariha, c'est la nuit dernière, après Dhor. Ensuite, on dit encore le mot Al-Bariha après Dhor. Burtukarun, c'est une orange. Et c'est aussi la couleur orange. Pareil. Quratul Salah, vous voyez, c'est le ballon du panier, donc basketball. Akhadha, akhadha, c'est un verbe, vous voyez, au passé, fi'l madi, qui veut dire prendre. Bahatha'an, on a dit, c'est un fi'l madi qui veut dire trouver. Trouver ou chercher ? Ah, je cherchais, après c'est où ouais, je t'ai trouvé. Non, après. Cherchez. Minara, jam manair, c'est minare. Lihyatun, el jam c'est. Ils ont mis louhi, moi je connais louha. C'est la barbe. Lihyatun, c'est la barbe. Il doit y avoir plusieurs pluriels. Alin, c'est le mouanès de alia, qui veut dire élevé. Vous voyez Nam. Moulawwanun, ça veut dire coloré. Moulawwanun. Sabahun, c'est le matin. Nisfun, c'est la moitié. Et en Darija, ils disent nous. En vrai, c'est nisf. Et wadoa, c'est posé. C'est un film mardi qui veut dire posé. Et j'avais regardé aussi quand je t'avais dit par rapport à Naamous, comme tu avais écrit. Hein. C'est bien avec le demed, avec le alif et ensuite le waouh. Namous. Il y a un tambi aussi par rapport à Kana. Kana, quand on parle d'Allah, ça n'a pas le même sens. Par exemple, tu dis Inna Allah Kana Aliman Hakima. C'est pas Allah, il était savant et sage. Il a toujours été, il sera toujours. C'est un autre sens. On l'emploie, ça c'est pour les créatures. Mais fi Hakillah, les samarana fil mandi, c'est mal en Et ça, ça sur Allah, ça ne s'emploie pas de la même façon. Faire attention. Par contre, des chebouettes, des moutadiras, qui jouent avec la langue arabe pour tromper les gens. Ça, Inch'Allah, tu verras ça dans quoi? Dans. Dans quel kutub? Wasatiya, Msadan, Tahawiya, ou Al-Zalika. Dans le fond de la. نعم طيب فإلى هنا والحمد لله رب العالمين